Écoutez votre cœur. Laissez-moi une chance que le jeu recommence. Je serai bien meilleur. Allez, soyez sympa. Et puis vous savez bien qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Je suis intelligent, adorable et gentil. En vérité, je suis un vrai prince charmant. Les garçons dans mon style, c'est pas les enfermer. Je suis un petit génie, un gars plutôt malin qui tend toujours la main à ceux qui ont des ennuis. Cette aventure pour moi, c'est la chance de ma vie de me faire des amis. Ce serait la première fois. Les garçons de mon style, c'est pas bien compliqué. C'est vrai. Alors ayez pitié d'un garçon sympathique, fan de mathématiques. Laissez-moi vous prouver qu'un garçon dans mon style, ça peut vous faire rêver autant que vous voudrez. Alors malicieux.